Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Ah, enfin de retour à Gotham City, la ville des opportunités, berceau de 5 des plus grandes entreprises multinationales et autres conglomérats d'ampleur titanesque, mais aussi d'une des économies parallèles, criminelles, les plus florissantes des pays dits développés. Ici, on rêve le jour de monter sa start-up et on forme un gang la nuit. On ne juge pas, presque tout le monde ici est passé par là. Il n'y a pas une épicerie, un concessionnaire ou un bureau d'avocat qui ne s'est pas monté sur de l'argent très sale. Mais à Gotham, comme ailleurs, le monopole s'installe. Et d'une manière ou d'une autre, on finit toujours sous la coupe d'un plus gros poisson qui n'a aucun problème à nous faire cracher nos économies. C'est la loi de la jungle, c'est comme ça que fonctionnent les affaires. Pas mal de choses ont changé en ville depuis la dernière fois où je vous ai raconté une petite histoire. Et nos protagonistes précédents n'y sont pas pour rien. Nous nous étions laissés sur le début en fanfare d'une guerre des gangs, avec l'effondrement de ce qui était appelé autrefois la mafia grise, unification plus ou moins stable des différentes organisations criminelles de la ville. Dans tout ce chaos, de nouveaux groupes se sont levés, d'anciens seigneurs de guerre se sont solidifiés, et un dangereux criminel en particulier a su profiter de la situation pour mettre en route son plan malade. L'épouvantail, dans une nouvelle attaque terroriste d'une ampleur plus large qu'autrefois, a profondément abîmé la psyché et l'équilibre social de notre belle métropole de Gotham. L'état du pays dans les années qui sont passées n'a pas aidé. Nous avons aujourd'hui, après émeute sur émeute, complot sur complot et accident sur accident, un quartier entier sous confinement. Rien de sanitaire. Il s'agit de l'East End, la partie la plus pauvre, la plus malfamée, qui est à présent sous les barreaux, menacée d'être rasée d'un jour à l'autre pour donner naissance à un nouveau havre de paix pour les touristes, les jeunes entrepreneurs et autres hipsters adeptes de nouvelles expériences et de véganisme. Nous appelons cette zone, patrouillée par la Net Security, dangereuse et au bord d'un nouveau plongeon dans le chaos, Arkham City. Les rues y menant sont obstruées par des sacs de sable, des véhicules blindés et des checkpoints où des fouilles presque abusives sont menées. Mais tout va bien dans le coin si ce n'est ça. Du côté de nos nouveaux malfrats, de nouvelles têtes pour certaines et sûrement bien d'autres à venir. Que vous ayez été accosté dans la rue par une vieille connaissance ou un inconnu, dans votre cellule ou à la sortie de tel ou tel institut, une opportunité vous a été présentée. Et ce n'est pas rien de nos jours. Le milieu semble bien souvent bouché en ce moment. Les uns et les autres se regardent en chien de faïence, prêts à appuyer sur la gâchette. Et il faut bien souvent se faire discret, de peur d'attirer trop d'attention. Cette opportunité, un sacré paquet de pognon, la liberté et la promesse d'encore plus de fric à l'avenir, quoi qu'il en soit, et peu importe la manière dont vous avez été convaincu et amené sur place, vous vous trouvez maintenant, montant les uns après les autres, à l'arrière d'un fourgon. Vous êtes cinq. Pour la plupart, inconnus. À l'avant, visible à travers une petite ouverture grillagée, deux hommes plus qu'ordinaires. Celui qui ne conduit pas vous jette un regard inexpressif et vous adresse nonchalamment cette suite de phrases. Pas d'inquiétude. On sait ce qu'on fait. Vous êtes de sacrés vénards. Ils sont rares ceux qui peuvent rencontrer le boss en chair et en os. Et encore plus, ceux de votre trempe qui pourront toucher ses billets. En attendant qu'on arrive, je vous conseille de faire connaissance les uns avec les autres. À partir d'aujourd'hui, vous allez bosser ensemble. On a vérifié vos antécédents, alors n'ayez pas peur de discuter. Si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas des indiques. Mis à part le bruit du moteur et les sons de la ville, plus aucun bruit. C'est à votre tour de vous exprimer. Bien, moi je me tourne vers mes nouveaux compagnons et je leur adresse un grand sourire. Vous pouvez m'appeler Yasmine. On est bien en 2021, c'est ça, tout début de la partie ? Exactement, nous sommes en septembre 2021. Ok. Ça fait 5 ans que j'étais interné à l'asile et je suis sorti. Et vous ? Être Marco. Moi, venir aussi pays comme asile, être resté 5 ans, puis être sorti. Ah, Gothamite, pas parler beaucoup. Visiblement. Rappelez-moi Yugovia. Appelez-moi Pi. On m'a mis au frais pendant un petit moment. Et pour l'instant, vous n'avez pas besoin de savoir plus. Pi comme le chiffre. C'est ça. Tu me les mottes. Ouais, on va dire ça. En fait, là, vous voyez un homme encapuchonné en train de se tanguer comme ça. Il peut pas parler. Il a une boîte, une petite boîte de cellules. Et il fait ça et il mange. Ce que vous pouvez lire sur la petite boîte, parce qu'elle est bien visible, c'est marqué Ecstasy. Voilà. Ruby Parks, j'étais tatoueuse dans le gang de l'épouvantail avant qu'il soit plus ou moins dissous, en tout cas les parties les plus basses. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour le moment. Très bien. Je vous invite aussi à, pourquoi pas, vous décrire un peu physiquement vos habits, votre attitude. Comme ça aidera un peu à ce que tout le monde ait une petite idée de qui vous êtes déjà en tant que prestance. Très bien. Alors moi, en termes de vêtements, c'est très simple parce que j'ai gardé ceux de l'asile. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez facile à voir sur moi, c'est que je n'ai littéralement rien d'autre que cette tenue sur moi. Visiblement, mes poches sont vides. Et pour me décrire un peu physiquement, du coup, je suis une plutôt jeune femme, blonde, avec un visage malgré tout assez masculin. Et malgré tout. Un maquillage très soigné que malgré le fait que je semble être sans rien semble toujours parfaitement bien détaillé sur mon visage. Alors Marco, c'est un homme assez âgé, aux cheveux on va dire bouclés, un petit peu ondulé, on va dire, grisonnant, mais encore un peu brun, qui arbore une magnifique moustache et quelques cicatrices partout, habillé avec un blouson en cuir, sans doute acheté quelques dollars, une contrefaçon trouvée sur un vieux marché, et une paire de Rangers et un jean, tout ce qui est plus classique. En ce qui me concerne, vous voyez un gars habillé en cuir, avec un cuir noir, un pantalon classique, jean foncé, Sur mon visage, vous voyez un espèce de masque qui vient cacher une partie de celui-ci. Ce qui est peu courant, on va dire, mais c'est un peu un masque qui protège ou qui cache a priori une blessure. C'est ce genre de masque. Je suis très fermé au niveau du visage, je suis très peu expressif. Voilà, je suis au niveau taille, on va dire que je suis dans les 1m75, 1m80, allez. Et assez renfermé, enfin assez refermé, replié sur moi-même. Moi, je ressemble. J'ai un jean troué, j'ai une veste à capuche, un sac, et vous voyez un peu de barbe. Mais au niveau de la carrure, c'est une carrure athlétique. Voilà, c'est. Mais vous ne voyez pas son visage. Vous voyez toujours qu'il est toujours en train de toucher à ses extas et qu'il tremble. Et enfin, de mon côté, je suis habillé dans des vêtements assez classiques de citadin de Gotham. Plutôt citadin, on va dire, des bas quartiers. Avec quand même un côté un petit peu, on va dire, discret. J'affiche rien d'ostentatoire. Et simplement derrière les quelques couches de vêtements que j'ai et un sac de sport en bandoulière dans lequel j'entrepose quelques affaires, dont une bombe de peinture qui dépasse, vous pouvez apercevoir différents tatouages ici et là, dont l'un représentant l'asile d'Arkham au niveau du bras. Et j'ai les cheveux longs et blancs. Ainsi donc, après ces petites présentations, le silence semble s'imposer. Faut dire que ce n'est pas difficile, enfin ce n'est pas facile de lancer des discussions avec des gens qu'on vient de rencontrer à l'arrière d'un fourgon. Donc le temps passe. Vous sentez au fur et à mesure que peu importe où vous amène ce fourgon, il ne vous amène pas a priori en dehors de la ville car vous restez sur une route d'assez bon état et sur une route avec plusieurs tournants. Donc pas des longs chemins de campagne. Après encore un instant, le véhicule s'arrête et le conducteur lui reste à sa place, mais celui à côté de lui descend et vient vous ouvrir les portes, révélant à vos yeux que vous vous trouvez actuellement dans le quartier du Nouveau Gotham, New Gotham, c'est-à-dire le quartier le plus à l'est de la ville et celui qui est, disons, le quartier gentrifié par excellence, c'est-à-dire le quartier où... où vous allez trouver des trucs de yoga, où vous allez trouver tout ce qui peut intéresser la population qui a un peu d'argent, qui veut vivre une vie d'artiste et ce genre de choses. Plus précisément, même, vous vous trouvez devant une salle d'arcade qui a l'air d'être dans un style des années 80, ce genre de choses. Il paraît que c'est très à la mode aujourd'hui de ramener un peu tout ce qui vient là de cette époque-là. Donc quelqu'un a voulu se faire de l'argent là-dessus et il a ouvert une salle d'arcade. L'homme qui vous a ouvert, après que vous commenciez tous à descendre, vous fait simplement signe de tête d'aller à l'intérieur et vous dit simplement le code est glace à la fraise. Puis il remonte dans le véhicule et vous laisse là. Okay. Bien, je suppose que la salle d'arcade est notre objectif. Ça paraît évident du devant. Oh, bon, j'avance vers la salle. Bon, allons-y. Entrez dans les pieds par contre. Vous comment ça dire ? C'est la police. C'est la FBI. C'est la police. Vous y réagissez donc, chacun à votre rythme et chacun avec vos petites interventions dans la salle d'arcade. Et première chose que vous voyez, c'est que A priori, le business plan de la personne qui a lancé ça n'est pas très fonctionnel parce qu'il n'y a personne, mis à part le gars derrière son comptoir. Il y a des bandes d'arcade ? Il y en a plein qui sont allumées. Vous êtes harcelé de petits flashs, de petits bruits électroniques, les 8 bits et ce genre de choses. Je vais aller voir le gars du comptoir. Mm-hmm. Moi, je vais jouer sur un jeu de rêve d'arcade. Très bien, donc tu t'installes devant Pac-Man. Bonjour. Oui, bonjour. Tu vois que le gars qui tu parles est un espèce de jeune adulte. Il doit avoir maximum 30 ans. Et vraiment maximum. Hein. Il a les cheveux longs, peut-être même un peu sales. Il a une espèce de bonnet qui a l'air d'être un peu une espèce d'imitation du bonnet Rasta et tout ça. Petit bonnet Bob Marley. C'est un blanc, il a des espèces de lunettes rondes et des habits vraiment un peu mal habillés, on va dire. Genre, il repasse pas ses chemises ou quoi que ce soit, et sur son t-shirt, il a juste un espèce de gros Super Mario en train de sauter. Sur son t-shirt. Oui, je peux faire quelque chose pour vous ? Je voudrais une glace à la fraise, s'il vous plaît. Pour le groupe ? Oui. Pour le groupe. Ouais, avec des marshmallows. Non, une glace à la fraise. Je vais aller vous chercher ça. Oui. Attendez là 2 minutes. Merci. Rigolo. Je pense pas. Il s'en va donc, a priori, dans l'arrière-boutique. Vous attendez toujours un petit moment, vous regardez un peu à gauche, à droite, vous voyez qu'il y a quelques caméras de sécurité sur les lieux, ce qui peut peut-être en inquiéter certains d'entre vous. Et rapidement, le bonhomme réapparaît et vous dit simplement « Oh, j'ai un problème avec la machine à glace, si vous voulez bien venir à l'arrière avec moi pour m'aider à la secouer. » Ah, pas de problème. Bien sûr. Vous êtes spécialiste de machine à glace. Parfait. Non, le hasard est bien fait. Je passe devant le russe, moi. Avec mon ordi. Quoi ? Ok, il a dit qu'il passait devant. Très bien. Il te passe devant, juste. Donc, vous allez à l'arrière avec ce monsieur. Et vous tombez sur, en effet, une machine à glace. Mais qui a l'air parfaitement fonctionnelle. Et Et cependant, il ne vous dirige pas vers cette machine, mais il vous dirige vers une espèce de petite trappe qui semble mener à la cave, a priori. Il l'ouvre et il vous dit bon voyage. Ok. Bon, on y va. Vous rentrez, vous descendez l'escalier. C'est pas un escalier très très très très profond, à la limite. Vous êtes presque sûr, une fois en atteignant la cave, que si vous essayez juste de passer votre pont à travers le plancher, il n'y aura rien qui résistera et vous serez dans la salle d'arcade. Vous arrivez donc là-dedans et la première chose que vous avez, c'est que l'endroit est complètement vide, à l'exception d'un bureau qui a été posé en plein milieu et sur lequel est a priori, à côté duquel est assis a priori un homme en costard rouge et ayant sur son visage simplement une cagoule. De quelle couleur ? Noir. Bonjour. Je salue de la tête. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Installez-vous, il y a des chaises juste derrière vous, à votre gauche. Merci beaucoup. On s'installe tranquillement. Ouais. Une fois installé, il ouvre un des tiroirs du bureau, il sort quelques verres, et une bouteille, a priori, qui est du vin blanc. Il verse dans chacun de vos verres, et dans le sien aussi. Et il vous fait signe de vous servir si vous en voulez. Avec plaisir. Je prends un verre. Du bon vin ? Pardon, c'est du bon vin ? C'est du bon vin, en effet. Ce n'est pas de la piquette. Ça doit être un bon client, alors. Pendant que vous sirotez, enfin que vous goûtez un peu votre vin, lui, il est toujours en train de se préparer avec son bureau. Il sort un ordinateur portable, il l'ouvre. Et il a l'air de travailler un peu dessus. Et il lève juste le regard vers vous, il vous dit « Vous avez fait bon voyage ?» Top. Ah, toi, un Américain, pas vouloir moi transporter souvenirs familiaux, mais c'est comme ça. Ah ouais. Bon, je suis désolé de vous avoir fait vous déplacer dans un fourgon. Ce n'est pas le plus confortable qui soit, mais pour une première rencontre, c'était nécessaire. J'ai cru que c'était le FBI. Non, il n'y a pas d'FBI ici, vous inquiétez pas, nous sommes à Gotham. Alors, il tapote encore un petit peu sur son clavier, puis il donne toute votre attention, toute son attention sur vous. Il vous dit, écoutez, j'imagine que vous êtes un peu perdu, on vous a proposé quelque chose, il est temps d'éclaircir la situation. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez été choisi. Vous n'êtes pas les seuls à qui nous avons fait la proposition. Vous n'êtes pas non plus les seuls que nous ayons sélectionnés. Nous avons formé plusieurs groupes comme vous. Mais votre groupe a été étudié pour fonctionner. Vous avez des capacités différentes les uns des autres. Vous devriez être fonctionnel. Je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous en avez marre de travailler pour quelqu'un d'autre ? Totalement. Carrément. Moi, pas problème. Aucun souci. Mais moi, je sais faire chose moi-même. Mais pas souci obéir. Moi, je viens d'arriver. Je fais pas de souci. Disons que c'est toujours plus sympa de pouvoir décider soi-même et d'assumer les conséquences de ses propres choix plutôt que de ceux des autres. Je suis d'accord avec elle. Très bien, très bien. Eh bien, c'est parfait. C'est parfait parce que si vous avez été sélectionné, c'est pas pour être de nouveaux larbins ou de futurs collègues mais qui doivent d'abord avoir une phase de test ou travailler pour d'autres en attendant. Ce que je vous propose, c'est d'être, dès à présent, vos propres patrons. Ce que je vous propose, c'est d'être des entrepreneurs. Je vais simplement être votre banque, pour ainsi dire. Je vais vous offrir l'argent, les besoins dont vous avez besoin, peut-être même des hommes, une fois que vous aurez fait un peu vos preuves par vous-même. Et vous allez pouvoir prendre Gotham. Elle vous attend. Et vous y gagnez quoi? Oui, moi pas trop comprendre comment vos business gagnant-gagnant profit. C'est pas très classique. Oui, je sais, je sais. Ça peut peut-être paraître un peu douteux, mais je suis dans le métier depuis longtemps. Mon business plan, personnellement, vu que vous voulez le connaître, c'est simplement celui de banquier, comme je vous l'ai dit. Sauf que, avant vous, j'ai donné de l'argent à d'autres personnes, des organisations qui aujourd'hui sont défuntes. Comme par exemple la fameuse mafia grise dont vous avez dû entendre parler, celle qui il y a quelques années s'est brisée en morceaux pour donner le Gotham que nous avons à présent. Le problème, c'est que c'était des sommes d'argent vraiment conséquentes. Le problème, c'est que l'organisation ayant disparu, les dettes retombent sur les individus qui dirigeaient cette organisation. Des individus qui sont toujours présents, qui ont toujours leur groupe et qui dirigent toujours Gotham. Si ce n'est chacun de leur côté maintenant. Et vu leur situation, ils refusent de payer. Alors, dans notre banque, nous ne sommes pas du genre à laisser passer des dettes impayées. Nous allons simplement vous sponsoriser pour prendre leur place. Et une fois que votre business sera bien fonctionnel, vous n'aurez qu'à payer leurs dettes. Monsieur Akagoun, je suis tout à vous. Donc, vous êtes le banquier, nous être un peu huissier. Si j'ai bien compris, mais combien d'aides ? Parce que moi, je veux pas. C'est quoi le chiffre qu'il faut rembourser ? C'est un chiffre conséquent. Un chiffre qui ne pourrait que vous effrayer, vu votre situation actuelle. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons des paliers, nous avons tout ce qu'il faut. Que vous puissiez payer en plusieurs fois, quand vous le pouvez, tant que vous acceptez de payer. Bon, tout le monde est d'accord ici. Mais vous prêtez l'argent au début. Oui, nous vous prêtons une certaine somme d'argent qui sera, pour l'instant, pour cette première fois, à l'échelle de 30 000 chacun. Corchina. Je vais trouver mon sac en bandoulière. Voilà, c'est notre cadeau de bienvenue, votre bourse de lancement. Et avec ça, en vous mettant ensemble, j'imagine que vous allez avoir un bon départ. Bien entendu, et ce n'est pas une menace, c'est simplement, je vous préviens simplement, vous vous doutez bien que si je vous donne une telle somme à chacun, c'est que nous voulons une certaine assurance. Si vous acceptez l'argent et que, juste après avoir quitté ce bâtiment, vous partez chacun de votre côté, bien entendu, nous viendrons récupérer l'argent et vous aurez une dette de 100 envers nous. Seulement pour le départ, bien entendu. Être dette de 100, transmissible génération à Amérique ou pas ? Non. Nous en restons à la personne même, tout de même. Nous ne sommes pas des sauvages. Pardon ? Vous êtes excusé. Ouais. Combien il vous faut d'argent pour la dette ? Et toi, pas avoir entendu, lui, pas vouloir dire. Beaucoup, mais t'en fais pas. On va être bon. Il y a combien de banques ici ? Si vous voulez, j'ai un plan à vous proposer pour un premier braquage, un premier coup. Alors attendez, attendez. Attends, je préfère pas, si on doit travailler ensemble, lui il veut rien savoir, tu sais. Donc ça lui pas impliqué. Hé, hey, toi, hé. Hey. T'as jamais vu Express Miami ? Toujours... Ça tombe bien, c'est à vous que je m'adressais. Est-ce que tout le monde ici est d'accord ? J'ai besoin d'être sûr que chacun d'entre vous veut recevoir de l'argent. J'en suis. Ouais. Moi, pas vouloir paraître vulgaire, mais comme ça, toi, avoir l'air un peu pigeon, si tu vois ce que je veux dire, ça paraît trop beau. Évidemment, je dis oui. Oui, je m'en doute bien, mais vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de financer des individus des plus sérieux aux plus instables dans leurs différentes opérations depuis des années. Je ne vous ai jamais demandé comment certains peuvent s'acheter autant de bombes. Oh non, moi je sais comment. Je rigole. Enfin bref. Si tout va bien, alors je vais simplement vous demander... non pas de signer un papier parce que ce serait laisser des traces, mais de me serrer la main, de quitter ce bâtiment et d'aller vous mettre au travail. Je suis la première à me lever, je lui serre la main et je quitte le bâtiment le plus rapidement. Ah, attendez, attendez. Je suis chaud. Elle va aller faire deux trois. J'ai pendant qu'il est en train de vous serrer la main les uns après les autres, il continue de parler. Petit détail, si je lui serre la main avec des gants, il dit quelque chose ou pas ? Non, honnêtement, il en a rien à faire. Ok, bon bah tant mieux alors, je le fais. Okay. Donc, pendant qu'il vous serre la main, il vous dit « Et j'ai une petite proposition pour vous pendant pour vos départs, c'est d'avoir pour commencer une petite couverture, un petit présentoir à montrer. Et ce que j'ai pour vous, c'est un bâtiment que vous pouvez investir et vous pouvez en faire un business officiel ou quoi que ce soit. Ce bâtiment se nomme le My Alibi. C'est un petit bar. Tu vois que je tire une tronche encore pire que celle que j'avais normalement. Le My quoi ? Le My Alibi. Jamais entendu parler. Ça a été où ? Comment ? Ça a été le où ? Ça se trouve. C'est là où ça pose. Je vous emmènerai. Oui, c'est là où ça pose un petit problème. Ça se trouve dans Arkham City. Ah oui. Zone. Oui, la zone fermée. Comment ça se fait que vous avez ce. Ah. Donc pas possible. Ce bâtiment. Oh, les anciens propriétaires avaient des dettes. Tout simplement. Dettes qu'on doit rembourser ? Non, celle-ci, vous n'avez pas besoin de la rembourser. Ah. Actuellement, les papiers de propriété se trouvent en possession de certains de mes amis que vous allez devoir. Aller rencontrer. Je pense qu'en échange d'un peu de votre argent, ils seront tout à fait d'accord pour vous le donner. Je vais vous donner votre adresse, leur adresse. Ils s'appellent les frères Cohen. Question. Mm-hmm. J'imagine que vous avez du coup un plan ou un passage pour qu'on puisse entrer et sortir d'Arkham City selon notre bon vouloir. C'est quoi les égouts? Oui, comment faire moi ces questions pareilles si jamais je veux faire business? Moi je fais passer drogue, arme à feu, je peux pas prostituer, tout ce que tu veux, et machine à sous clandestine, je peux pas passer checkpoint. Eh bien, pour ce qui est de votre propre personne, vous pouvez passer sans trop de problèmes. Il suffit vous passez les checkpoints, il suffit de ne pas être armé, de n'avoir rien d'étrange, d'avoir bel et bien votre. Carte de citoyen américain, tout ce qu'il faut. Et ils vous laisseront passer. Si ce n'est avec des mauvais regards, mais ils vous laisseront passer. Pour ce qui est du reste, des choses moins légales, vous allez devoir apprendre à vous faire vos réseaux, ce genre de choses. Je ne peux pas tout vous fournir, évidemment. Et c'est quoi ton nom ? Vous pouvez m'appeler le banquier, simplement. Ok, bon, Carmen. Serre ma main. Je crache dans ma main. Enfin, dans ma main. Ouais. Je crois qu'il est. Au moment où tu craches, il a un petit moment un peu d'hésitation, puis il te serre quand même la main. Dans les yeux. Dans les. Et il vous fait signe, du coup, que vous pouvez remonter les escaliers, et il vous dit. Bonne aventure à vous et surtout n'ayez pas peur de réussir. En cas de soucis, on peut vous trouver ici ou vous avez un QG différent à chaque fois? Non, j'imagine. Je vais rapidement disparaître, mais une fois que vous serez bien installé, je vous recontacterai et nous pourrons faire en sorte d'avoir des échanges libres. L'inverse aurait été étonnant. Parfait. Et bien merci à vous. Et hâte de. Ah oui, 30 000 dollars être coupure liquide, cash. Oui, donné. Exactement, vous les trouverez en remontant. Mallette. Ça passait tranquille à Arkham City? J'en doute, mais considérez ça comme un test de votre initiative. Ok. Je viens de mes téléphones portables, c'est comment dire, jetable, tu sais, pour me contacter avec un numéro. Et il y a marqué White Moon. Ok. Sur le contact. Il prend le téléphone et il te dit à bientôt alors. Et on s'en va. Très bien. Vous quittez donc les lieux, vous remontez l'escalier, à la sortie directement de la trappe, vous avez une mallette chacun. Oui, chacune. En face, vous vous servez et vous repassez par la salle d'arcade, le gars n'est plus du tout là, et vous avancez, vous sortez, et vous êtes maintenant dans les rues de New Gotham. Dites-moi ce que vous dites, dites-moi ce que vous faites. C'est trop cool. Je vais acheter du matériel informatique et... Alors, avant d'acheter, il y avait... Kim Com. Ouais, il y avait déjà madame qui nous avait dit qu'elle avait peut-être déjà un premier plan. Ça peut être intéressant de l'écouter. Et... idem. Disons que j'ai une cible facile et isolée dans la ville que j'ai remarqué il y a un certain temps. Ça demanderait un peu de préparation et ça pourrait peut-être être plutôt un bon second braquage. Le premier servirait simplement à financer celui-ci. Mais finance. Ce que je propose, c'est qu'on se retrouve au niveau de... Enfin, qu'on fasse le chemin ensemble jusqu'à Arkham City. Et qu'on en discute à l'intérieur du bar. Dans ce cas-là, je pourrais facilement nous peindre une carte de la ville et de ses quartiers sur un mur. Et on pourrait facilement préparer nos plans et nos... à ce niveau-là. Ou même sur le sol. De toute façon, la première étape, c'est d'aller voir les Farquaad et d'acheter le... Oui, parce que vous déjà vouloir acheter matériel informatique, faire braquage, mais ça se trouve, moi je sais pas, mais frère Cohen... peut-être, j'en sais rien, mais surarmé, homme de main, tout ce que tu veux, tu crois qu'il va nous vendre son bar pour 1000 dollars? Non. On ne sait pas si gros investissement ou pas. Donc d'abord, il faut aller voir Frère Cohen et acheter Meyer Libby. Commençons par ça. Et après, on domine Gotham. Si tu veux, dans cet ordre. Oui. Allons-y. Et toi, Zoro, qu'est-ce que tu as à dire? Zoro? Tu sais, elle a le masque. Pi. Bon. Et je vais oublier. Zoro, Pi. Écoutez, je connais où est situé le Maya Libby. Ne me posez pas de questions par rapport à ça. Je vous emmène. Ok, bah emmène-nous-y. Chouette. Mais d'ailleurs, il nous a dit, enfin, les frères Cohen, ils nous attendent là-bas ou parce qu'il nous a juste, il nous a normalement dit qu'il nous passait son contact. Une adresse. Il nous a donné des détails. Il vous a donné une adresse pour les frères Cohen qui se trouve dans le quartier, dans le quartier où vous êtes, New Gotham. On commence par là. Ah bah, du coup, bah l'adresse. Bah, allons-y. Let's go. Allons les voir. Suivons Zoro. Alors là, pour l'instant, pour le coup, c'est l'adresse des frères Cohen, donc c'est pas le Mais on suivra Zoro juste après, dès qu'on aura acheté le Maelibi. En bas, on s'y rend, du coup. Très bien. Du coup, vous vous mettez en direction de cette fameuse adresse. Et vous y arrivez. Pour l'instant, vous êtes un peu sans véhicule, il faut dire, vu qu'on vous a déposé ici en fourgon, mais... Bon, vous trouverez rapidement de quoi vous déplacer. Et vous arrivez sur place, et vous arrivez face à une espèce de petit bar, club nocturne, petit mélange comme ça, avec un air un peu néon, un peu nouveau. Au goût du quartier, pour ainsi dire. Dans laquelle il y a l'air d'avoir pas mal de jeunes. Le genre de jeunes qui traînent dans les centres-villes, tout ça, qui sont assez bien habillés avec des petits styles un peu urbains. Ce genre de choses. Vous arrivez là-devant, et rapidement, quelqu'un se dirige vers vous, qui semble être un serveur ou quelque chose comme ça. Et vous qui vous dit, je peux faire quelque chose pour vous? Nous avons rendez-vous avec Frère Cohen. Et je peux savoir qui vous êtes? Annoncé le banquier. Les amis du banquier. Oui, mieux. D'accord, très bien. Attendez-moi, vous pouvez vous installer, je reviens tout de suite. Je peux bien. Il s'en va. et vous vous installez à peine. En réalité, il revient très très vite. Vous n'avez même pas le temps peut-être de commander quelque chose si vous vouliez commander quelque chose. Il revient presque immédiatement. Il vous dit venez avec moi, montez. Bien. Vous prenez donc un escalier, le suivant, qui mène à une porte, et une fois que vous ouvrez, vous êtes dans une espèce d'espace un peu VIP. C'est, vous voyez que c'est toujours fait pour accueillir du client, mais il n'y a pas grand monde. En réalité, il n'y a que deux personnes, que vous comprenez rapidement comme étant les frères Cohen. Et le serveur vous laisse rentrer, et il referme la porte après être parti. Face à vous, vous avez deux individus qui sont assez bien habillés, dans un style assez différent de ceux des gens qui fréquentent leur établissement, parce qu'ils sont eux aussi un peu en costard, si ce n'est que leur costard il n'est pas accroché quoi que ce soit, il est un peu libre, à l'air libre, un peu décontracté, et ils ont tous les deux des espèces de petites lunettes de soleil rondes, ils ont tous les deux des espèces de moustaches qui frisent un peu sur les bouts, même pas, qui frisent pas mal au bout. Avec les coupes de cheveux, vous savez, rasées sur les côtés et un peu longs sur ce qu'il y a au-dessus. Ils sont tous les deux en train, a priori, de fumer sur des cigarettes électroniques. En face d'eux, sur la table, il y a une espèce de chicha, il y a des bouteilles et tout ça. Vous voyez qu'il y en a un qui continue à... qui se met à tirer sur la chicha bien fort, et tandis que l'autre, du coup, se lève. Oui, en fait, je voulais juste savoir, est-ce que j'aurais déjà... entendu parler des frères Cohen là où j'étais pendant ces longues années. Alors, je ne vais même pas te faire faire de G, en réalité c'est non. Non, ok. Voilà, non. En réalité, je vais même vous le dire, pour chacun d'entre vous, vous n'en avez jamais entendu parler de ces gars-là. Ok. Celui qui n'est pas occupé à tirer sur la chicha se lève, vient vous serrer la main en disant « Bienvenue, bienvenue, ça fait plaisir de rencontrer... » d'autres amis communs du banquier. Allez-y, installez-vous, on a de la place. Si vous voulez, on peut amener des filles, des mecs, on peut amener tout ce que vous voulez. À boire. À fumer. Vodka. Ah bien, vodka. Yeah. Et il se dirige directement vers une espèce de petit bar. Il prépare de la vodka pour tout le monde. Je veux de l'ecstasy. Très bien. Vodka pour moi aussi. Pur, évidemment. Ouais, évidemment. Donc, ils versent tous à chacun, à ceux qui vous voulez. Moi, je veux une morose. Et une morose, évidemment. Spécialité de la ville. Ils vous versent donc tous votre petite boisson, votre petite ecstasy pour ceux qui en veulent. Et il se réinstalle sur le canapé sur lequel vous avez maintenant une place. Il se met lui-même de nouveau à tirer sur la chicha, tandis que celui qui avant ne s'était pas exprimé à vous vous regarde droit dans les yeux, enfin traverse une de soleil, et vous dit: bon, pourquoi vous êtes là? Maya Libby. Tout comme il a dit. Ah ouais. Oui. Pas tout. Bah apparemment vous avez les papiers qui sert à posséder légalement cet endroit, et on a surtout une somme conséquente d'argent pour récupérer ces papiers pour que le Maya Levy nous appartienne. D'accord. Ça va être le banquier lui-même qui nous dire que vous nous donnez à Maya Levy. Tout comme il a dit. Je vois. Eh bien, on est toujours ouvert à la possibilité de faire affaire. Cependant, vous n'êtes sûrement pas des gens qui ignorent la valeur d'avoir d'ores et déjà un tel établissement sur place dans Arkham City, en attendant que tout ce quartier soit nettoyé et qu'il soit prêt à accueillir toute une nouvelle clientèle, toute une nouvelle économie. Ce n'est pas rien. On ne va pas le lâcher pour rien, si vous le voulez. Donnez votre prix. Sa valeur a dû bien baisser, non, depuis qu'il est confiné, le quartier? Pour l'instant, oui, mais c'est un investissement. Donnez votre prix, et après, on voit... Je dirais... que cela pourrait être de l'ordre de... 1 million? Trop cher. Beaucoup trop cher. Surtout pour un... Comme l'a dit mon ami... pour un bar qui est actuellement sans aucune clientèle dans un quartier qui est confiné. Oui, je voulais spéculer, mais même moi, je sais, j'habite pas cette ville, que spéculation immobilière pas possible tant que les pauvres ils habitent là. Donc si tu veux virer les pauvres, eh ben vas-y, et ton terrain peut-être il prendra valeur, mais maintenant c'est juste être quatre murs avec putain de bouteilles d'alcool de mer à l'intérieur. Qui vaut pas 1 million, donc toi baisser ton prix. Ce qu'il a dit. D'accord, d'accord. J'avoue, je voulais juste vérifier si vous étiez des pigeons. Bah, toi as raison. Non, non. Pour être honnête, je dirais que si nous avons quelque chose de l'ordre de 40 000, ça nous va. 35 000. Vous êtes cru sur le marché ou quoi? Oui, mais nous, être amis communs banquiers. Alors, pour sceller une nouvelle amitié entre amis banquiers, petit geste commercial serait apprécié et bienvenu. Vous vendez quoi d'autre à part le Mayalibi? Plein de trucs. Des armes? De l'extra? Non. Nous ne sommes pas de ce genre-là, nous. Nous investissons dans le fun et l'alcool. Ce n'est pas le Mayalibi pour le moment. Mais si je peux me permettre, mon collègue Marco a raison. Après tout, c'est le début d'une grande collaboration qui peut naître entre nous. Et vous m'avez l'air déjà d'être des hommes d'affaires très accueillants, très compétents. Et je pense que pour notre premier achat, vous pouvez peut-être faire un petit geste commercial qui vous sera remboursé très rapidement. Moi, faire mieux. 30 000 dollars, et je propose que, en échange, nous avoir service envers vous. Nous avons été sélectionnés selon propre terme du banquier, car compétences très spécifiques. On peut faire tous quelque chose pour vous. Donc, si vous faites à 30 000 dollars, on vous rend un service. Je vais demander à Marco, Ruby et Yasmine de me faire des jets en... Attendez, il faut que je regarde ma fiche. En marchandage. C'est un échec de mon côté. Et... marchand de... Ok. Putain, j'ai pas de dés. De mon côté, j'ai fait 39 sur 20. Donc c'est un échec. Okay. Eh bien, j'ai fait 4. Oh! Mais mon pote Marco, il est là. Marco le pro est là. Pas mal, pas mal. Donc, vous voyez qu'il réfléchit un petit moment, qu'il regarde son frère, ou en tout cas celui qu'il appelle son frère, vu qu'on sait jamais s'ils sont vraiment frères. Et... puis vous regardez à nouveau, vous dites, qu'est-ce que vous allez en faire du Mayalibi? Vous avez prévu de le garder en tant que bar? Une boîte de nuit Je peux faire DJ, moi. Je pense que c'est en discussion. Je pense que c'est en discussion. Moi, d'un coup, nous, pas vouloir empiéter sur votre business. Et sachez que, dans tous les cas, même si on garde une façade bar ou nightclub, je ne pense pas, mais bar... pour regarder façade, jamais ce sera notre première utilisation et que ce sera pas un endroit où toute la jeunesse branchée chic viendra, mais plutôt un truc tranquille. Oui, ce que je veux dire, où personne n'a envie de venir. Tout comme il a dit. Je vois, je vois. Et toi ? Je ne suis pas d'accord avec Lorus. Quoi ? Là, je prends un temps où je suis très calme, et normalement, avec tous les extraits que j'ai pris, normalement, je suis KO. Mais je me relève, je prends tout ça en capuche, je regarde au monsieur, je dis je pense qu'on devrait faire une boîte de nuit, c'est plus facile pour cacher certaines choses. Écoutez, si vous n'êtes pas d'accord sur vos propres objectifs, ce n'est pas mon affaire, vous arrangez entre vous. Ce que je propose, c'est que on prend le prix que vous avez proposé, et en échange de ça, je veux simplement que moi et mon frère, nous nous occupions de vous fournir l'alcool, si vous consommez dans un domaine où il y a de l'alcool. On fera plutôt un bar, a priori, je suis d'accord. Dans tous les cas, boîte de nuit au bar, il y aura besoin d'alcool, donc ça nous va. 35 000 et on vous achète de l'alcool. 30 000, 30 000. Non, associé entre ivre et vodka. Et lui, pas tenir. Oui, donc 30 000. Ouais, j'aurais une question. Sachez que c'est un effort pour moi aussi, car je viens, car moi, avoir. Moi-même contact en Ugovia et je peux faire venir une marchandise très bonne qualité qui fait faire marcher business famille. Donc c'est quand même un effort de notre côté de faire valoir le peu d'eau. 30 000. J'aurais une question. Nous vous garderons le meilleur. Oui. Qui était l'ancien propriétaire ? Vous posez pas bonne question. L'ancien propriétaire, bonne question, attendez. Parce qu'il faut dire qu'on nous l'a pas donné de manière. C'est pas l'ancien propriétaire qui nous a donné le papier, c'est quelqu'un. La propriété lui était tombée dessus. C'était un Frost ou un Freezer ou un quelque chose. Ok, c'est bon. Ah, il était dans le business ice cream. Je sais pas exactement ce qu'il faisait. Mais il a disparu ou il est parti. La propriété est tombée sur quelqu'un d'autre qui nous l'a rendu. Ils ont fermé après que la machine à glace à la fraise soit tombée en panne. Non, je crois qu'il y a eu une affaire où la serveuse s'est fait tuer, il y a eu kidnapping, quelque chose, je sais pas. Ça a un peu plombé le business. Wow. Ça arrivait tous les jours. Je pense à changer de nom. Ça fait pas une bonne pub, ça. C'est vous qui voyez. C'est vous les propriétaires maintenant, dit-il en se dirigeant vers un petit coffre-fort. Il ouvre et sortant a priori des papiers, il les garde en main et il vous dit vous avez l'argent directement sur vous. Je propose qu'on donne une mallette et qu'on se répartisse l'argent après. Comme ça, ça fait plus pro. On donne juste une mallette et. Je lui tends ma mallette. Ok. À des professionnels. Et là, je chuchotais à l'oreille de... Excusez-moi, les couilles. Qui c'est... Ruby. Moi, petit souci. Pas avoir nationalité américaine, Greek Card, tout ce que tu veux. Clandestin. Elle ne va pas paraître sur le bail. Je ne peux pas. Donc, on va faire vous signer. Mais dès que j'ai green card, tout ce que tu veux, vous ne me baisiez pas et vous rajoutez le nom sur le bail. Hein. Je souris et j'acquiesce en le regardant. Il vous donne donc les papiers avec un petit stylo si vous voulez vous en occuper dès maintenant. Et voilà. On se charge. Une fois les papiers faits. Ok. Une fois les papiers faits, celui qui s'était arrêté de parler reprend la parole et il vous dit simplement vous voulez rester un petit peu ? On fait aussi un peu restaurant à l'arrière. Quel genre de restaurant ? Oh, avec vous savez, de la nourriture expérimentale, vous avez déjà été au Futuroscope ? Futuroscope ? Moi, j'étais ailleurs, mais pas au Futuroscope. À l'époque, j'avais lu des articles dans les journaux peu flatteurs quant au type de nourriture expérimentale qu'on pouvait trouver à Gotham. Je vais laisser passer ma chance pour cette fois. C'est ouais, le voyage qui compte, pas l'impression. Je pense que ce serait bien sympathique de... d'aller au Mayalibi. Oui, moi, pour très patient, connaître mon futur bar. Mon bar. Enfin, notre bar. Ouais. Je ne fais pas confiance à son russe. Moi, pas être russe. Ouais, bonne fin de journée. Calme-toi tout de suite. Au revoir. Au revoir. Ouais. Ouais. Partir. Bonne journée à vous et au plaisir de refaire affaire avec vous à l'avenir. Au revoir, monsieur Cohen. Vite night. Monsieur Cohen. Hey, junkie. Moi, pas être russe, toi bien comprendre. Moi, je viens à Yougovia. Pas être paer. Alors, toi, arrêtez tout de suite. Parce que moi, je vais m'énerver. Esclave, c'est la même chose. Non, ça peut être la même chose. Alors toi, déjà, extasie quand tu veux, free time, no problem. Mais je veux que toi, être clean quand on fait boulot. Je travaille pas avec junkie, moi. Moi, je suis complètement bien, là. C'est toi dire, c'est toi dire. Non, vous avez fini de vous prendre la tête, on y va. Non, mais hey, nous, on est parti pour business partnership longue relation. Donc, si on met pas chose au clair bien maintenant, ça va être pour le bien. Donc, moi, c'est je sûr. Pense que... On en voilà, parlera après, sur place. Maintenant, voilà. Si tu veux tout du cas concret au niveau informatique, tu devrais te taire. Parce que je sais gérer ça. Et si toi vous voulez un cas concret sur Armoroud et armement technique d'armement de ex-continent soviétique, toi devrais te taire aussi, tu vois. Chacun ici peut faire la même chose. Vous avez tous les deux un énorme membre, on peut passer à autre chose, s'il vous plaît. Exactement, putain. On va y aller. Ok. Bon, sur ce, je vous emmène. Merci. Allez, Zoro. Emmène-nous. Ouais, moi c'est Pi. Je connais pas Zoro. Pi. Oui, ça te va bien. Allez, Zoropi. Ouais. Bah, du coup, vous quittez donc les lieux et bon. Vous trouvez. Vous allez récupérer un véhicule. Peut-être que l'un d'entre vous a déjà un véhicule. Sur le trajet, je demande à Marco. Il y a combien de chiffres après le Zoro dans Pi déjà? Bonne question. Vous vous mettez donc en route et vous arrivez, vous approchez peu à peu de d'Arkham City. Première chose en vous approchant que vous remarquez, c'est que si Gotham est connue pour être une ville lumineuse, sûrement à elle seule depuis l'espace à faire une lumière incroyable qui couvre les villes d'à côté, la partie Arkham City a l'air plus sombre. Ça a toujours été le cas en réalité, quand même avant que ce soit Arkham City, quand c'était seulement l'East End, il y avait pas mal de gens qui squattaient simplement certains lieux, quoi que ce soit, donc il n'y avait pas d'électricité ou quoi que ce soit. Mais là, on est dans une situation qui s'est clairement aggravée. Ce qui est sûrement lié à la campagne de la mairie, qui est celle de forcer l'exode des habitants hors de la zone, avec des expulsions massives en... Et en, a priori aussi en évitant que l'électricité les atteigne. C'est en tout c'est cas. Oui. Mm-hmm. Pour moi, c'est la première fois que je remets les pieds là-bas depuis que je suis sorti. Hein. Alors, en gros, je suis vraiment sorti et il s'est passé très peu de jours depuis que je suis sorti. Donc pour moi, c'est vraiment... je remets les pieds dedans, mais ça fait tellement longtemps que... Je vais juste vous poser une question, donc. Vous savez que donc il y a des checkpoints pour pouvoir rentrer. Là, toutes les rues qui y mènent sont bloquées avec des sacs de sable et tout ça. Et vous avez donc un camarade, un collègue ici présent, a priori, qui n'a pas de papier, si j'ai bien compris. Monsieur Marco ? Oui, c'est trop compliqué. Administration... Voilà. Donc, je vous demande simplement, est-ce que vous avez un plan ? Est-ce que vous voulez faire quelque chose pour pouvoir passer chez vous ? J'ai des contacts sur Arkham. Comment ? Vu que je vis à New York et tout ça, et que je connais Arkham, est-ce que j'ai des contacts là-bas qui pourraient nous faire passer J'allais dire la même chose. Des contacts. Est-ce qu'on a des contacts qui pourraient servir pour faire passer ce jeune homme? Alors, tous ceux qui veulent essayer de chercher dans leurs contacts me font donc un jet de contact. Et vous allez pouvoir du coup réussir ou non. Moi, ce sera... L'échec est automatique quand on a zéro. Oui, quand on a zéro, ça veut dire que, bah, basiquement, là, dans ce cas-là, t'as pas de contact. Moi, bah, ça va pas le faire. 45. Moi, voir cousin ici. Mais pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Il a dû se faire fusiller. Ah non, tout pas raconter. Mais non, je rigole. C'est drôle. J'ai 23, j'ai 40. Combien ? 23, j'ai 40. Ok. Très bien. Il y a d'autres personnes qui ont fait un G. Moi aussi, j'ai fait 66. Ok. Moi, je ne fais pas le G parce que je considère que ce n'est pas dans mon domaine. Donc... Ok. Eh bien, monsieur Jean-Baptiste McConnell, vous avez en effet un contact. Qui en réalité est un membre tout simplement de la Nets Security, c'est-à-dire en gros l'organisation privée de mercenariat en quelque sorte que Gotham a engagé pour s'occuper de cette petite frontière interne à la ville. Tu as un contact qui y travaille, qui est dans le domaine informatique de cette espèce de petite milice privée. Et il y a moyen que tu le contactes pour qu'il puisse tripoter quelque part. Ok. Je prends un téléphone jetable. Je propose le numéro. Je l'appelle. Je sors de la voiture. Je leur demande de s'arrêter, je sors de la voiture. Ok. Très bien. Je me mets ma capuche pour éviter que les caméras me voient aussi. Ok. Donc tu appelles, tu attends très peu de temps en réalité, ça répond quasi immédiatement et ça dit « Oui, allô ?» Oui, c'est Benny White, l'appareil. Ah, salut, ça fait un petit moment. Ouais, en effet, ouais. J'aurais besoin... C'est la dernière fois que je t'ai aidé sur certaines choses, est-ce que tu peux m'aider sur quelque chose? Oui, oui, j'imagine que je t'en dois une, oui. J'aimerais bien que tu m'aides, j'ai un ami qui vient de Russie, et il n'a pas de papier américain. Est-ce que tu peux traficoter Et vous voulez passer la frontière, c'est ça? Exactement. D'accord, alors... sous quel nom il veut se présenter? Attends, je lui demande. On tape la vitre au milieu. Je cache bien le micro pour éviter qu'il entende. Oh, Yougoslav, tu veux quel nom américain? Oui, quoi? Tu veux quoi comme nom américain, Yougoslav? Ah, Marco. Et ton nom? Ça, c'est un prénom. Fétisre. Un nom américain, pas un nom russe. Pourquoi? Parce qu'on me le demande. Je suis pas russe. Donne-moi un autre nom, un nom américain et un prénom américain. Il sera jamais passé pour un américain, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux que je te donne comme nom? Alison Burgers. Marco, ta mère, elle était bien de Gotham à la base, non? Mais lui son fétisof là et que il y en a plein des gens de chez eux chez nous maintenant là. Yugovia. Ce que je fais c'est que bon du coup je réponds et je pars un peu plus loin et fais bah Michael Honor. Quoi? D'accord. D'accord, je vais te faire ça. Ce sera... Alors, c'est pas des papiers que je te fais, hein. C'est... ça faudra se débrouiller. Simplement, Pour ce coup-là, vous aurez qu'à présenter ce nom et à dire que les papiers sont pas encore faits, mais que c'est approuvé par la direction, tout ça. Vous donnerez simplement le nom, ils iront vérifier et ils trouveront. Il faudrait juste, si tu peux, m'envoyer la photo du bonhomme, comme ça, ça s'affichera sur son petit dossier et il n'y aura pas de problème. On l'a fait tout de suite. Je reviens, qu'est-ce que tu dis ? Voilà. Je ne comprends pas, est-ce que tu l'as reçu ? Oui, je reçois ça, très bien. Bon, tu peux considérer que dans 10 minutes, c'est fait et vous pourrez passer. Ce sera sûrement l'affaire que d'une seule fois ou d'un aller-retour, en tout cas, parce que c'est souvent mis à jour, ce genre de fichier. D'accord, ok. Merci, en tout cas. À la prochaine. Je pète le truc et je le balance dans le flotte. Et je reviens dans la voiture. C'est bon, il est américain maintenant. Monsieur Honneur. Et je me retourne en le regardant. Très bien. Donc, vous continuez un peu à rouler, vous vous rapprochez du checkpoint, vous attendez, histoire d'être sûr que les fameuses 10 minutes soient passées, et vous vous approchez du dit checkpoint qui est surveillé par, en tout cas dans cette rue-là, par a priori 4 personnes qui sont en armure analogue à celle du GIGN pour ainsi dire, si ce n'est qu'il n'y a pas d'insigne du GIGN ou quoi que ce soit, il y a simplement un logo qui est, vous pouvez le trouver normalement et je peux le retrouver rapidement, qui est celui tout simplement d'un espèce de petit bouclier sur lequel on voit un pont sur lequel est marqué NETS. Normalement, je peux vous le renvoyer. Ça a rien à voir avec la ministre aussi, justement, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est okay. Ceux qui. Qui gèrent la frontière. Quoi. Vous vous rapprochez avec votre véhicule, il y a toujours la petite barrière qui est fermée pour empêcher de passer. L'un d'entre eux s'approche de votre véhicule, tandis que l'autre fait le tour pour être de l'autre côté, sur l'autre vitre, a priori une arme à la main. Au cas où. Je descends ma vitre. Je suis au volant. On est l'histoire ? Bonjour. On est au bonjour ? Enfin, on est... quelle heure il est là, la journée ? C'est... Vous êtes en après-midi. Bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Je tends mes papiers. Voilà. Mm-hmm. Et puis, okay. Regarde tes papiers. Vous voyez qu'il sort aussi une espèce de petite tablette à son autre main, il a l'air de taper quelques informations. Tu vois qu'il relève un peu la tête vers toi. Avec un air un peu, peut-être un peu jugeant ou quelque chose, en tout cas il n'a pas l'air de te faire spécialement confiance. La même chose pour les autres. Ouais. Vous passez chacun vos papiers les uns après les autres. Et le bonhomme là ? Ah, celui-là, c'est un ami à moi, il s'appelle Michael Honneur. Vous pouvez appeler la direction, il est en train de se faire les papiers parce qu'il a perdu ses papiers. Là, je le regarde un peu bizarrement. Mike, vous voyez qu'il continue à taper sur sa tablette, il dit, vous dites Michael Honneur ? Honneur, ouais. Honneur, comme à la française ? Comme à la française, oui. Ok. Tu vois qu'il regarde ? Il vient de Louisiane. Il attend un peu, il relève un peu le regard vers vous, il fait... Ouais. Bon. Ben, j'espère que la prochaine fois que vous passerez, vous aurez des papiers, parce que ça marchera pas à chaque fois. Pas de soucis. Oui. Bon, maintenant descendez tous du véhicule. Ok. On fait. C'est ça. Bon, c'est la procédure, vous allez être fouillés, individuellement, et votre véhicule aussi. Tout dégât fait au véhicule dans le cadre de l'inspection ne sera pas remboursé et la Net Security ne sera pas considérée comme responsable. Ok. Allez-y. Vous voyez qu'il vous palpe. Un autre de ses collègues arrive et vous palpe aussi, tandis qu'un autre est toujours là en train juste de vous regarder avec une arme à la main. Il vous palpe. Je vais vous demander, qu'est-ce que pour ceux qui ont des armes ou par exemple de l'extasie sur eux, Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous l'avez posé quelque part avant? Vous l'avez toujours sur vous dans la voiture? Pas d'arme. Vous avez dans ma mallette? Dans les mallettes? Ok, et les mallettes, vous en avez fait quoi? Moi, la mienne, je l'ai posée sous un faux. C'est le siège, mais en dessous, sous un faux tissu. C'est la voiture de qui? C'est la mienne. Ok. T'as ça, toi, dans ta voiture? Si j'ai un faux machin pour cacher quelque chose? Pour être honnête, non. Ouais. Donc, je suis sous le siège, tout simplement. T'as cru l'avoir mis sous quelque chose, mais c'était juste simplement sous mon siège. D'ailleurs, ce qu'ils nous avaient pas prévenu avant que. Justement, il fallait pas avoir ce genre de choses. Mais... Vous aviez été prévenu normalement. Que, ouais, enfin, qu'on avait pas. Tu peux avoir une mallette pleine d'argent. Ouais, mais bon. Ouais. Pas d'extasie. Ouais, c'est ça, il y a l'extasie à côté, quoi. De mon côté, tout ce qui me reste. Et on n'a pas entendu ça couper. Ah, il faut parler chacun des autres. Du coup, je répète. De mon côté, tout ce qui pourrait poser souci, notamment le cran d'arrêt, même si je pense qu'ils s'en branlent un peu d'un cran d'arrêt. Simplement dans le sac avec toutes les bombes de peinture, il y en a une qui est creuse à l'intérieur, je l'ouvre, je la dévisse et j'ai tout rangé dedans, je referme. Tac. Ouais. Moi j'ai rien. Ok. Moi j'ai rien non plus. Donc. Okay. Jean-Baptiste, tu confirmes bien que tu as tout mis dans ta mallette? Alors, j'ai ma mallette d'argent, mais là, il y a une partie de l'argent qui est avec mes deux ordis avec l'Insta, et l'autre partie de l'argent, il y a un ordi dessus et des téléphones. Et une carte de la bibliothèque de New York. Okay. T'as fait un sandwich, quoi, en gros, pour essayer de le cacher le truc. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, vous vous faites fouiller, regarde un peu ce que vous avez sur vous. Pas grand-chose pour certains, a priori. Certains et certaines. Et vous voyez qu'il y en a un autre qui est en train de fouiller a priori dans le véhicule. Vous voyez qu'à un moment, il sort un espèce de petit couteau et il a l'air de toucher, de pointer du bout du couteau dans les différents sièges, voir s'il y a quelque chose de caché à l'intérieur. Donc bon, désolé pour le propriétaire. Non, mais j'en ai rien à secouer de cette bagnole. De toute façon, c'est pas c'est pas une super caisse, quoi. C'est vraiment genre la caisse un peu pourrie. Ouais. Donc ils plantent par-ci par-là, ils essayent de fouiller dans la boîte à gants, de voir s'il y a des faux sols, des faux sols, ils soulèvent les petits tapis pour le pied et tout ça. Et ils finissent par tomber sur les mallettes, pour ceux qui l'ont laissé dans le véhicule. Mmh. Ils regardent la mallette, ils l'ouvrent, ils voient de l'argent. Vous voyez qu'il fait « Oh putain !» Il se relève, il se tourne vers vous, il fait « Vous bossez dans quoi pour avoir cet argent ?» Moi, je bosse à la bibliothèque de New York. Vous savez, la grande bibliothèque. Et donc, j'ai $30,000 dans une mallette. Je suis dans les bibliothécaires. Pour être honnête, dans les affaires, on ouvre un bar, donc... Oui, voilà. Ouvre le bar. C'est tout le monde qui met « Ouvre le bar !» On ouvre un bar. Mais oui, mais de toute façon, c'est officiellement ce qu'on va faire, donc on ouvre un bar. C'est pour du business. Ben oui. Ouais. Ah, on va ouvrir un bar, c'est tous mes amis et tout ça, et c'est le seul argent que j'ai eu, que j'ai économisé tout le temps et que j'ai mis en pur. On vient de braquer une banque, après tranquille le matin. On vient de braquer une banque. Pas mal, pas mal. Bon, je veux bien vous croire, mais vous savez vers où vous vous dirigez quand même. Oui, oui. Oui, vous en faites pas. Vous savez que la première personne qui vous arrête sans qu'il y ait l'un d'entre nous qui soit à distance, il récupère vos mallettes et vous êtes fini. Bah ouais, mais c'est un risque à prendre. Et les cartes bancaires, vous avez jamais entendu parler de ça? Oui, mais j'en ai pas confiance. Savez, pour acheter fonds de commerce, tout retraité est toujours vouloir, oui, liquide tout de suite, parce que... Eux pas faire confiance, système bancaire, effondrement, tout ça. Écoutez bien ce que vous dit Michael Honor. On n'aime pas trop les... Yes. Bien sûr, Michael Honor, j'habite dans le Wisconsin. Je crois qu'il était Louis ça, un truc comme ça. Moi, j'ai dit... C'est parce que... famille, longtemps vivre aux États-Unis. Oui, États-Unis de l'Est. États-Unis de l'Est, pas être. J'entends bien l'accent de la Louisiane, oui, là, c'est vraiment. Bien sûr. Louisiane profonde, très très profonde. Très très profonde. Putain. En Louisiane, dans le bayou, bon. Même. Le bayou. Bon, je vais vous laisser passer. Mais que je vous retrouve pas avec un équipement complètement différent une fois que vous ressortez. Non. Bah, nous avoir fait un show avec l'argent. Oui, non, oui. Non, faites pas, monsieur l'agent. Vous savez de quoi je veux parler. Ah. Allez-y, remontez dans le véhicule et un bon voyage en enfer. Et bonne journée à vous. Merci. Bonne journée. Putain. Vous remontez dans le véhicule tandis qu'il l'un d'entre eux monte la barrière et vous pouvez à présent rentrer dans la fameuse Arkham City. À l'intérieur, donc, comme je l'ai dit, toujours un peu obscur, il y a juste les lumières des rues qui sont toujours allumées, les lampadaires, tout ça, parce que c'est quelque chose qui reste d'être quand même un peu trop si la mairie commence à couper ça aussi. Mais vous avancez, vous voyez que à plusieurs endroits, il y a pas mal de véhicules qui ont été a priori, enfin qui sont garés, mais qui ont été saccagés. La zone n'est pas en chaos total, elle est quand même surveillée par la Net Security, ce genre de choses, mais l'ambiance reste quand même délétère et on est encore moins à l'abri qu'avant ça de se faire choper au coin d'une ruelle et de mal finir. Ça marche. Vous avancez, vous faites quelques détours dans ce fameux Arkham City et... vous passez devant différents bâtiments d'intérêt qui se trouvent à Arkham City, comme par exemple la clinique Tomskin, qui est une clinique d'Arkham City, qui est, enfin de East End à la base, qui est donc une clinique pour les plus pauvres, les plus démunis. Parfois ils font même souvent des choses gratuites, ce qui est très apprécié des plus pauvres, mais aussi des criminels les moins riches, pour ainsi dire. En tout cas, ils ne font pas de distinction. En réalité, c'est très proche de ce que font les gens quand ils vont au tiers-monde pour se donner une bonne conscience, ce genre de choses. Sauf que cette fois-ci, c'est à Gotham, c'est bien adapté. Et vous finissez par arriver au My Alibi. Il y a tout un parking qui n'est pas destiné au My Alibi à la base, qui est destiné aux habitations qu'il y a autour, mais vous vous y placez. Car le My Alibi n'est pas un bar à la devanture très visible. En réalité, le My Alibi, c'est pas juste un bâtiment avec des vitres écrit le My Alibi. C'est simplement un escalier qui descend comme si c'était la cave en dessous d'un bloc d'immeuble. Simplement. Et sur le mur, juste à côté de la porte en bas de l'escalier, il y a juste un petit néon où il y a marqué My Alibi. Un coin donc assez discret et... vu le nom, c'est sûrement parce que à l'époque, c'était une certaine catégorie de personnes qui y allaient. Vous voyez tous que quand on arrive devant, je fais une tête de dégoûté, enfin genre dégoûté, tu vois, genre. C'est parfait, on voulait un endroit tranquille. Moi, dès que je descends du véhicule, je donne une tape dans la tête à Jean-Baptiste et je fais. Toi, complètement débile, quel nom tu donnais à moi? T'as j'ai une tête à m'appeler Michael Honor. Sinon, tu m'as permis de passer, sinon tu es resté de l'autre côté pendant que nous on était au bar. Enfin, donné si je peux me permettre, ouais, il a dit que la prochaine fois ça passerait peut-être pas, donc c'est pas non plus la meilleure des solutions qu'on a. Mais c'est passé, oui, mais... et merci. Pour les gens du bar. J'ai besoin de green card. Séjour étranger. Illimité. Ce sera pas possible. À moins que je fasse autre chose, mais ce sera pas possible pour le moment. Venez qu'on verra le bar. Ouais, on est en Amérique. Tout est possible. Mais oui, d'abord, je veux voir mon bar. Oui, le bar. Notre bar. On oublie toujours que c'est notre bar. Eh, c'est qui a donné sa mallette? Encore ta mallette. Ah, d'ailleurs, il faut qu'on fasse la répartition de l'argent, mais d'abord le bar. Allez. Est-ce que quand on rentre à l'intérieur, une fois qu'on est dedans, est-ce que il ressemble à ce que moi je connaissais en fait, ou pas? Alors, je vais vous le dire. Vous descendez l'escalier, vous ouvrez la petite porte un peu en ferraille, c'est censé être une porte qui ressemble un peu à une porte de cave. Vous l'ouvrez, et à l'intérieur, vous êtes face à un espèce de petit bar qui a un air un peu country motard. Ce genre de petit bar qu'on peut trouver souvent au bord de certaines autoroutes, ce genre de choses, mais cette fois-ci, c'est en plein milieu de Gotham City. Et, bon, cependant, il est en assez mauvais état. Vous remarquez que là où il y avait quelques espèces de motos, vraies ou fausses, qui étaient suspendues au plafond, les motos ne sont plus là. L'une d'entre elles est dans un coin à moitié démontée. Beaucoup de tables sont complètement renversées, il n'y a plus de bouteilles où que ce soit. Et en allant pour allumer la lumière, il n'y a a priori aucune électricité. Vous êtes éclairé seulement à la lumière de l'extérieur. Est-ce qu'il y a une petite bouche d'aération? Pas une grille, mais juste laisser les petits cercles, les petits ronds. À un endroit ou à un autre, vu que c'est sous terre, j'imagine qu'il devait bien ventiler. Pas une VMC un endroit. Oui, il y a quelques. Oui, avant, on va expliquer ça. Je la retire et je crois que mon premier réflexe, ça va être de planquer mon argent à l'intérieur. Ok. Je laisse pas ça traîner. Bonne idée. À l'occasion, on fera un double fond, ce sera encore mieux. Oui, bah parce que je pense que c'est malheureusement aussi un endroit qui est quand même pas mal surveillé pour les gens qui cherchent l'argent. C'est une bonne solution de secours, mais effectivement, je pense qu'il faudra sécuriser sur le long terme. Dans tous les cas, on est d'accord, personne n'a rien laissé dans le van. Non, évidemment. De toute façon, à part la mallette, on n'avait pas grand-chose à... Je vais vous demander à chacun un petit jet d'observation. Je sais pas combien j'ai, mais j'ai fait 94, donc il y a peu de chances que j'observe quoi que ce soit. Tu es émerveillé par la solution. Ah, totalement, j'adore. Mais quand même, pour le LOL, observation, c'est censé être dans quoi? Physique, social, savoir? Ouais, c'est dans physique. Observation, c'est où? Ah, c'est dommage, je ne sois pas trié pour l'alphabétique. Dans attention, c'est attention. C'est l'attention. Ah, oui. Réussite pour moi, j'ai fait 1 sur 40. Oh, okay. J'ai fait 41 sur 40. Ah. C'est horrible. 40 sur 40. J'utilise un point de chance. Ah non, il n'y en a pas dans. J'avais le même réflexe. Utilise un point de chance. 57 sur 40. Ok. Alors, bon, certains d'entre vous, du coup, observent les murs, observent un peu tout ce qui se passe. Il s'imprègne de l'ambiance des lieux. Moi, je suis dégoûté. Ouais, a priori, le siège de votre futur empire. Et pour ceux qui sont observateurs, vous rendez rapidement compte que un peu plus loin dans la pièce, vers un des coins les plus éloignés, il y a l'air d'avoir une mare de sang. Je vais m'en approcher pour vérifier si elle est récente ou pas. Ou si c'est du sang séché. Tu t'en approches lentement, et au fur et à mesure que tu avances, et c'est aussi le cas pour tous, ceux qui commencent à se rendre compte aussi qu'il y a une mare de sang, vous sentez tous soudainement comme observés. Je vais prendre ma bombe, peinture, la déverrouiller et choper le cran d'arrêt qui est à l'intérieur. Ok. Tu continues à avancer, et vous commencez tous à vous sentir vraiment observé, et du coup vous êtes un peu dans un état de d'hyper-attention, sans aucune concentration sur quelque chose de particulier. Mais vous commencez à vous rendre compte un peu de tous les craquements, de tous les petits bruits de vent, des bruits de l'extérieur aussi, parce qu'il y a la route qui n'est pas loin. Et vous avez presque l'impression que le lieu serait encore vivant. Ruby, toi, tu finis par approcher de cette mare de sang. Et elle semble, en effet, récente. Je propose qu'on fouille l'endroit intégralement. Et on va commencer par cet endroit. Et là, je pointe d'où semble provenir la mare de sang. Ok, j'y vais. Je suis d'accord, faut qu'on vérifie un peu tout. Essayer de l'enjamber à moins qu'elle soit trop grande et que je sois obligé de mettre mes pieds dedans. La mare de sang est très large, mais elle ne mène nulle part en réalité. C'est comme si elle avait... Juste que le camp s'était vidé ici, et qu'on n'avait même pas tiré de corps ou quoi que ce soit. C'est juste une grande flaque, mais il n'y a pas de corps cependant. Ok. On va fouiller l'endroit pour être sûr que Percy n'est pas un junkie de planquer quelque part, même si... Il y a peu de chance, jamais. Mais ça serait pas assez surprenant, je veux dire, on est sur un bâtiment abandonné en plein milieu d'Arkham City. Il y a l'occasion, bon, on changera. Il y a du squat, je pense. Hein. On changera la serrure. Ouais. On fouille intégralement le lieu. Du coup, il n'y a pas d'arrière-salle ? Justement, il y a, depuis la pièce dans laquelle vous êtes, vous voyez qu'il y a une porte qui mène a priori à l'arrière-salle, depuis derrière le bar, quoi. Et a priori, c'est tout pour le moment. Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard dans la salle, ou alors peut-être qu'elle a été cassée, ou peut-être qu'il n'y en a pas aux États-Unis, je ne sais plus. Si c'est aux États-Unis, je crois qu'il y en a. Les haches de secours, tu sais, qui sont avec des extincteurs et tout. Il y en avait en effet une, mais elle n'est pas présente. La vitre est déjà brisée. Okay. Et la hache n'est pas disponible. Mais pour ceux qui n'ont rien sur eux et qui veulent se défendre, il y a toujours moyen de récupérer un des pieds de chaise, par exemple, qui sont déjà à moitié pétés pour la plupart d'entre elles. C'est ce que je prends. Voilà, même. Okay. Vous êtes en train de vous armer et vous êtes en train de discuter du coup d'aller commencer à fouiller. Et c'est le moment durant lequel vous êtes interrompu dans votre effort par une voix très grave qui a l'air de résonner presque depuis les murs. Une voix qui dit simplement « Quittez cet endroit !» On est chez nous. T'es où, junkie de merde? Oh, c'est pas un junkie peut-être. Et chez moi ici, j'ai payé 30 000 $ et je vais prendre possession de ce bar à rentoir cassé tout de suite. Où es-tu? Quittez cet endroit, vous finirez comme ceux qui sont venus avant vous. Vas-y, on t'attend. Moi, j'ouvre la porte de l'arrière-salle. Ah, merde, ça peut être... Ça peut être junkie, ça peut être hippie. Encore pire. Je vais vous demander à tous, avant d'aller ouvrir la porte, je vais juste vous demander à tous un nouveau jet d'attention. 25, ça passe. Ah, mais ce soir, 62, ça passe pas. Un jet de quoi? Attention. L'attention, enfin oui, attention. C'est l'observation. J'ai rien qui passe 20, ce soir. 25 sur 40. 10. Mmh. Ok. Est-ce que je la connais, la voix? Tu ne la connais pas. Ici, okay. D'accord. Ici, la voix. Ok. Donc, tu m'as donné ce que tu as fait, Marco? J'ai pas entendu, je crois. Il a raté. Il a échec. Ok. Il a échec. Eh bien, pour tous ceux qui ont réussi, vous commencez à localiser la voix et vous avez l'impression que ça vient d'un des murs en particulier. Le mur qui sépare, a priori, le bar de l'arrière-salle elle-même. Et toi, d'ailleurs, Ruby, quand tu ouvres la porte, tu jettes juste un petit coup d'œil rapide à l'intérieur et t'as l'impression que ça vient bel et bien de ce mur lui-même. Le mur est assez large. Est-ce qu'il y a une bouche d'aération aussi dans celui-là? Tu vas regarder depuis l'arrière-salle ou depuis... J'ai mon téléphone pour être sûr de bien voir. Je vais regarder des deux côtés, je pense. Ok. On est dans le noir, ça m'aidera à y voir clair si jamais il y a un type caché quelque part. Ok. Enfin, après, il sera pas question de bouger les rations, c'est pas taille humaine. J'entends un type parler en anglais. Ouais, get away from us. Ah, c'est un junkie, c'est confirmé. c'est une cloison, en fait, le mur, c'est un peu une cloison, c'est creux. Ouais, ça a l'air d'être ça. Et la voix continue. Quittez cet endroit, ma colère sera terrible. Je prends mon pied de chaise, et là où je sens qu'il y a, j'ai l'impression que ça vient la voix, je passe au travers du mur, comme ça. Ok. Je fais la même chose avec mon baramine si jamais il veut. Mais toi, t'es le fou! Pas péter le cloison du mur! Ah là, voilà, du coup, la chasse se fait. Et tout ce que vous entendez, c'est un. Je vais vous massacrer. Ah ! Oh merde ! Oh non ! C'est 100% bloqué. Vous entendez notre voix qui a l'air de venir a priori de l'arrière-salle. Une seconde voix qui dit oh mon dieu, ils l'ont attaqué. On a tué le banquier. Et depuis l'arrière de la... Depuis l'arrière-salle, il y a une espèce de vieille femme qui sort. Une espèce de vieille femme, tout simplement, avec la peau un peu bronzée, les cheveux courts, qui se jette sur le mur sur lequel vous avez... dans lequel vous avez planté vos baramines, là, et tout ça. Et qui, tout simplement, déplace juste une espèce de petite table qu'il y avait sur le... Enfin, une espèce de petit meuble qu'il y avait sur le côté, révélant une espèce d'ouverture qui a l'air d'avoir été creusée à la lime ou quoi que ce soit, qui se jette dedans, et qui vous entendez « ça va bien tu... !» T'es pas en train de saigner, tu... Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Sortez d'ici ! Attends, mais qui c'est ? Mais qui êtes-vous ? Rien à foutre. Et vous continuez à entendre un gênement qui vient de l'intérieur du mur. Tandis que la vieille femme a pris... Ouais, moi, je me dirige vers là où il y avait la vieille femme, quoi, à son niveau, quoi. Ah, moi, je vais essayer de rentrer dans le truc, là où elle est rentrée. Là où, a priori, d'où vient le bruit de la vieille femme, quoi. Vu qu'elle est rentrée dans le mur. Oui, mais eh bien, les femmes, c'est l'arrière-salle. Ouais, voilà, donc je rentre dans l'arrière-salle et je fais le tour, quoi. Ouais. Avec ma barre à la main. Du coup, vous vous rapprochez un peu tous de l'ouverture. Vous regardez à l'intérieur et vous voyez simplement la vieille femme, du coup, qui est en train de tenir dans ses bras un vieil homme qui est un vieil homme afro-américain avec une espèce de bonnet, des habits qui ont l'air d'être très très vieux, très abîmés. Elle est en train de le tenir dans ses bras, il est allongé sur le sol et elle est en train d'essayer de le bercer un peu et lui qui est en train de geindre et qui fait « Oh putain, je crois qu'ils m'ont pété une côte. Oh, c'est peut-être même deux !» Allez, sortez de là. Foutez-moi le camp d'ici, là. Vous voyez que du coup, la vieille femme se relève, elle tire un peu le vieil homme avec lui qui se relève un peu. Ils sortent tous les deux de l'ouverture et ils disent « Et le vieil homme dit « si vous voulez, vous faites pas de mal !» On essayait. On voulait juste faire peur aux pillards. C'est vous qui avez mis cette tache de sang par terre là ? Oui, c'est pas du sang, c'est juste. Je travaillais pour le cinéma avant et. Je sais juste comment on peut faire du faux sang. Pourquoi vous défendez le bar des pillards ? Parce qu'il y en a partout ! Oui, d'accord, mais pourquoi vous le défendez ? Parce que c'est chez nous. C'est à vous ? Non, enfin, on s'est abrité là. Vous êtes qui, vous ? Vous êtes des pillards, du coup ? Le propriétaire du bar. C'est notre bar. Oh. Mais, deux secondes, je peux parler à mon équipe très rapidement ? De toute manière, vous bloquez la porte vers la sortie, donc on va pas bouger. Non, mais... C'est pour que eux viennent à moi en fait, hein. C'est pas pour vous. D'accord. On vient vers toi, qu'est-ce qu'il y a ? On les garde ? Non. Ça ferait de parfait valet ? Et en plus, ils connaissent déjà le lieu. Pas besoin de voler. Vous êtes un serveur qui fermait sa grande gueule et être capable de faire service 50 heures par semaine. Non, mais c'est pas la même chose. Non. Ces employés. Mais je pense qu'ils peuvent être intéressants et notamment parce qu'on risque de pas rester là très souvent. Et vu qu'ils connaissent déjà les lieux et qu'ils s'amusent à faire peur aux pillards... On sait pas si on peut leur faire confiance, on vient planquer des thunes, on a parlé à deux fois, faut les dégager. Écoute... Oh putain ! Est-ce que lui il est entendu ? Oh là là. Ouais, moi je leur laisse pas les accès, hein. Moi, ils peuvent venir de s'ils veulent, mais les accès total du bar, moi je suis vraiment pas chaud. Moi perso, ça me dérange pas. Ruby, si toi vous leur passez grand d'arrêt, moi emmenez eux petite lueur et... Ça peut se faire aussi, ouais. Moi. Je prends les deux vieux et je les laisse partir et je leur file 4000 balles. Dégage de là, le Ruskov, t'es pas chez toi ici. Tu connais pas la rue. Pardon ? Laisse-moi passer, s'il te plaît. Il y en a un, je sens. Écoute, moi personnellement ça me dérange pas qu'il reste. Ok, pouvoir partir. Et du coup, je vais lui donner quand il monte dans les escaliers, je vais lui donner un énorme coup de pied au niveau du genou, mais par derrière. Péter son genou. Moi, je les raccompagne dehors. Hein. Je les raccompagne pas à l'intérieur. Alors, tu donnes un coup de pied à qui, là ? J'ai rien compris. À qui, le coup de pied ? Au vieux. Ah, ok. Très bien. Bah, du coup, vous les poussez vers l'extérieur et ils ont des espèces de semi-protestation parce que du coup ils se... Mais on s'était abrité ici, mais en même temps ils osent pas vous confronter parce que bah il faudrait être fou. Donc ils se laissent mener du coup vers la sortie et accompagné de Jean-Baptiste, tandis que Marco arrive par derrière et donne un grand coup de pied par l'arrière au genou du vieux qui s'étale au sol en geignant qui fait oh non pas le genou pas le genou. J'ai besoin de marcher. Ouais, c'est ça, le chien, tu pisses l'amour. Je le relève, le vieux. Et il y a bien une barre de fer, quand même. Ouais, il y a une barre de fer qui traîne, mais si tu fais partie de ceux qui ont pris un morceau de chaise, tu en as un dans la main, oui. Je lui éclate sa grande gueule au Ruskov. Il n'est pas dans son pays, il n'a pas à faire ça à des personnes âgées. Mais je lui explose les dents. Mon vieux, ah, pas au vieux. J'attaque Pi. Mais non, moi je suis pas Ruskov, moi. Non, je rigole. Ok. Tu vas me faire un jet de force brute. J'ai combien de force ? Tandis que du coup, bon, dès que la bataille commence, là déjà les deux, il y a la vieille qui récupère le vieux qui commence à courir vraiment vers la sortie et ils disparaissent assez rapidement. Hein, mais... J'ai fait 10 sur 20. C'est bien 20, c'est pas 10 qui est marqué sur le truc. Tu as fait quoi ? Ouais. J'ai fait 10 sur 20. Ok. Du coup, bah, tu prends, t'as ton espèce de pied de chaise là, et tu donnes un grand coup du coup dans la gueule de Marco, c'est ça que tu voulais faire ? Oui, pour qu'il comprenne qu'il a pas à faire ça à des personnes. Alors, ça va faire plus que lui faire comprendre, parce que c'est un pied de chaise dans la gueule. Donc, tu lui donnes un grand coup de pied de chaise dans la gueule. Marco, je vais te demander quand même, parce qu'il me semble que t'es un gars qui a quand même une certaine stature. Je vais quand même te demander un petit jet d'endurance pour voir au moins l'étendue de la situation. Ok. Il me semble que t'es un gars qui a quand même... En effet, oui, tu as quand même une certaine stature. Ok. Ouais, 20 sur 50. Ok. Du coup, bah, tu le prends dans la gueule, tu recules un peu, surtout que tu t'attendais pas spécialement à une réponse aussi brutale. Tu recules un petit peu, t'as quand même le temps de comprendre ce qui se passe, tu vois un peu des étoiles, mais tu ne tombes pas au sol, tu n'es pas KO, quoi que ce soit, et ton regard se pose sur Jean-Baptiste, l'origine du coup. Bon, pour régler une bonne fois ça pour toutes, je vais le prendre par le col ou par la gorge, et je vais le plaquer au mur. Non, je vais le prendre par la gorge. Et je vais le plaquer au mur. Donc okay. Voilà, si je peux faire un petit jet de force brute, arts martiaux, ouais, tu veux. Tu vas faire ça. Je vais esquiver ce qu'il fait. Attends, et oh. Hey. Hey, on fait pas de power gaming ici. Hein. Non, on est dans Matrix. Si tu voulais faire des trucs de dingue, il fallait mettre des points en arts martiaux. T'en as mis aucun. Je fais un jet du coup. Oui, en quoi ? Oui, un jet en force brute, je t'ai dit. Oui. En force brute, d'accord, base 6. Ok. Il faut péter les dents. Du coup, Jean-Baptiste, je te fais saisir à la gorge, je te fais plaquer au mur. Et je te laisse dire ce que tu as à dire, Marco, ou faire ce que tu as à faire. Bon, écoute. Toi. Ouais, pas parti, bon pied. D'accord ? Donc maintenant, on va cesser les conneries tout de suite. Hein ? On repart compte à zéro, et tu arrêtes de te comporter comme petit gamin junkie de merde, et je promets que moi aussi, je vais faire effort. Mais tu lèves la main encore une fois sur moi, et je t'envoie dans mon pays, par petit paquet, Et je te préviens que je te fais ramener ici et je te sers au client du bar. Ça sert à rien de tousser, ok? Moi? Bah, moi, tu vois ma réaction, j'ai aucune réaction à ce que tu me dis en fait. Maintenant, on fait la paix. Aucune. On fait la paix. Donc je vais lâcher toi, et si toi encore attaquer moi, moi exécuter mes menaces. C'est clair? Et toi, pas rentrer dans ton pays si t'es capable de sortir d'ici. Pardon? Et toi, pas rentrer dans ton pays vu que c'est moi qui ai les connexions avec la direction. Rien à foutre. J'ai 30 000 $ dans une mallette. N'importe quel flic, ça suffit pour faire passer. Et je pars même pas 30 000 $. Je suis pas 100 $ que je suis capable de passer. Alors, hein? Donc t'es passe droit, je sais pas quoi là. Bon, s'il vous plaît, là, on a même pas encore commencé, tranquille. Que vous êtes déjà en train de vous prendre la tête. C'est débile, moi je travaille pas comme ça. Ouais. Moi, si jamais ça continue comme ça, je retourne voir mon pied, je rentre. Tu as raison, Marco, tu as raison. Et, non mais moi, je suis un peu fortif. Moi, reconnaître, moi, être sanguin, et tout ça. Et s'il te plaît, on est là pour faire du business, pour grimper, si déjà on se prend la tête, ça va pas aller. Ça peut pas marcher, il a raison. Moi, je te présente, excuse. Je regarde O'Neill et je fais preuve d'autorité. Avec un jet d'autorité. Eh bien, vu que tu me demandes, tu peux faire ce jet d'autorité. Voilà, merci. 25 sur 40, je sais plus combien j'ai en autorité. Mais j'en ai de l'autorité. Okay. J'ai 40 en autorité. Eh bien... Donc je vais juste demander, O'Neill, attends, deux minutes, O'Neill, Jean-Baptiste, est-ce que tu es d'accord pour te calmer, ou est-ce que tu veux tenir tête au groupe? Ça dépendra du coup de... Je me calme juste quand c'est Pi qui me parle, parce que lui je sais qu'il vient d'Arkham et il comprend pourquoi j'ai fait ça. Alors, il vient pas forcément d'Arkham, mais... parce qu'Arkham c'est pour lui. Ouais, mais je pense qu'il... Peut-être qu'il comprend pourquoi j'ai fait ça. Mais j'écoute pas le russe. Du coup, je me calme et je pars. Mon point. Ok, très bien. Moi, je change mon argent de cachette parce qu'il y avait des vieux qui regardaient. Le mec, il a peur. Et je trouve une autre cachette. Bon. Moi, je vais regarder si il y a de la connexion internet ici, surtout. Eh bien. Il y a une petite connexion internet, très faible en réalité, parce que vous êtes sous un bâtiment, il n'y a pas grand chose. Bon, t'as quand même un peu accès à internet. Okay. Pour ce qui est du coup des autres, je vais vous demander, maintenant que la situation s'est recalmée, il y a toujours peut-être un petit peu d'électricité dans l'air, mais les choses se sont calmées, les deux squatteurs se sont volatilisés, vous êtes à présent maître de votre domaine. Je fouille dans mon sac de sport et je sors une bonne bouteille que j'avais dû acheter avant de partir pour une bonne bouteille pour mon niveau. Et j'essaie de dégoter quelques petits verres, ou alors j'imagine que je dois avoir des gobelets quelque part. J'en pose 5 le long du bar et je verse du coup l'alcool dedans. Bon, maintenant qu'on a dit ce qu'on avait à se dire, je vous propose qu'on scelle cette nouvelle entente et association une bonne fois pour toutes. Très bonne idée. Au banquier. D'ailleurs, même si elle a l'air bien gentille, que je lui fais évidemment parfaitement confiance, j'imagine qu'un petit tour du coin et deux potentiels micros cachés dans les murs pourraient valoir le coup. Oh, tu sais, déjà je pense qu'on s'est fait arnaquer. Enfin, non, parce que quand même... Là, les frères Cohen, ils avaient le titre de propriété, mais à part ça, ils possédaient des graines du tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je veux dire, on trouve vieux squatter de merde. Enfin bref, excuse-moi, on n'est pas par une business, c'est sacré le toast. D'abord le toast, ensuite business. Donc, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, dans les yeux, Jean-Baptiste. Tiens. Ok. Moi, ouais. je te présente mes excuses si j'ai été désagréable avec toi. Et je vais faire attention. Maintenant, on act like a pro. J'acte like a pro, tu actes like a pro. Je regarde dans les yeux le jeune. Bon business. le jeune, mais attends, tu as quel âge, Pini? Hein, j'ai 31 ans. C'est moi le plus vieux ici. Non, mais quand je dis je regarde le jeune, je sais pas quel âge t'as, mais je te regarde en te faisant comprendre que rends-lui le truc. Genre, maintenant c'est. Ouais, oui, je m'excuse. Hop. C'est bien, c'est bien. Je vais lui faire un câlin. Je vais le soulever. Oh non, il commence. Bon, allez. Je monte bien avec un regard à pique et si j'avais un. Concrètement, il faut. Allez, un Nasdrovier. Hop. Et je balance ton verre par terre. The house was awake with shadows and monsters. The hallways they echoed and groaned. I sat alone in bed till the morning. I'm crying, they're coming for me. And I tried to hold these secrets inside me. My mind's like a deadly disease. I'm bigger than my body. I'm colder than this home. I'm meaner than my demons.